Je m'achèterai une BMW. Il paraît que ça fait fureur chez tous les enfoirés. Je ferai construire une villa avec piscine et jacuzzi. Ce sera tous les jours fiesta quand j'inviterai tous mes amis. Mais voilà, je n'ai pas l'argent et encore moins de jacuzzi. Mais par contre, pour la fiesta, je peux compter sur mes amis. BMW, moi ça me fait bien marrer. BMW, de voir tous ces cons barrés. Pour ces poubelles à roulette, c'est placé. Moi je préfère la trottinette. Quand j'aurai un max de fric, je m'achèterai une belle auto. J'irai plus vite que les flics quand j'appuierai sur le turbo. Ils pourront toujours courir, jamais ils me rattraperont. Je préfère plutôt crever que m'arrêter pour ces cons. Mais voilà, j'ai pas le fric et encore moins